s'enlève. Vous savez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, autour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 3 octobre 2024. Dernier rendez-vous de cette semaine pour ces mots et sons sensibles. On espère que tout va fonctionner correctement, le micro crachote un petit peu mais on va régler la chose. Bienvenue en tout cas dans ce dernier rendez-vous, l'actualité politique, sociale et culturelle. Dernier rendez-vous de cette semaine, je vous le disais, un programme très chargé aujourd'hui. Avec au menu principalement un focus culturel, des mots des sons sensibles, focus culturel en effet pour parler de La Ruelle. La Ruelle invitée aujourd'hui, les deux théâtres situés quartier Saint-François avec Grégory, Marion et Jason qui sont avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio pour nous parler de cette saison culturelle 2024-2025. Là je crois qu'il y a un vrai problème technique. Ça va être très compliqué de réaliser une émission dans ces conditions-là. Mais on espère que ça va se résoudre. Merci à vous d'être avec nous pour évoquer cette saison. En effet, les deux théâtres qui ont fait le choix cette année de faire une communication distincte, alors que depuis des années, finalement, vous mutualisiez en termes de communication. Cette année, cette saison, en tout cas lancement de saison, vous avez décidé de fonctionner autrement. Vous êtes tous deux, Grégory et Marion, chargés de communication, hein, finalement, au sein de ces théâtres respectifs. C'est ça. Mais vous l'avez indiqué dans vos plaquettes respectives, La Ruelle et les deux théâtres restent engagés collectivement pour la création et l'émergence. Continuez à soutenir les artistes, la création, qui font aussi vivre la ville. Donc ça reste néanmoins un travail collectif que vous menez ensemble. C'est pas une séparation, c'est une évolution. C'est pas une séparation. Évolution à tout niveau, on va aussi en reparler pour le Verso. C'est ça. Très étroitement en ce qui concerne vos théâtres associés à des compagnies, maison je dirais, entre guillemets, Travelling Théâtre, le Verso, qui a décidé justement, et c'est une nouvelle aussi saison qui s'entame en termes de transmission, puisque Gilles Granouillet prend la route avec la compagnie. Avec la, voilà. Et a donc à laisser la direction et passe la main. Oui, tout à fait. Voilà. Et pour le Choc Théâtre, Électrochoc. Tout à fait. Alain Besset. Toujours bien sûr ici. Oui. Pas ici en studio avec nous, mais en tout cas bel et bien sur le Choc Théâtre. On va évoquer votre actualité chargée. Les lancements de saison ont eu lieu il y a déjà quelques jours, début mi-septembre. Des spectacles à venir. En cours même, en tout cas dès ce soir et demain, hein, du côté du Choc Théâtre, Grégory. Tout à fait. Voilà, on va tenter de faire un tour d'horizon de l'activité, de vos activités, du côté donc de La Ruelle, le Verso et le Choc Théâtre. Ce sera principalement en seconde partie de ce programme, une première partie chargée en termes d'actualité. On va tenter de faire un tour d'horizon aussi des différents rendez-vous à vous rappeler pour cette fin de semaine. On vous retrouve tout à l'heure, Grégory, Jason aussi qui est là et qui accompagne Marion en service civique, c'est bien ça Jason? Oui, exactement. Voilà, donc on le rappelle, tous trois en studio en tout cas. On débute ce programme, des mots des sons sensibles en musique comme à notre habitude, avec nos découvertes, partenariats, artistes, albums chaque semaine, la Ferra Rock, la Fédération des radios associatives rock de France, vous propose cette semaine eh bien, la découverte de Lewis Evans et son album plutôt pop folk Cœur Céleste. Et puis l'autre proposition se porte cette semaine sur ce nouvel album de Tram House, The First Exit, qui est sorti le 20 septembre dernier chez Sub Routine. Et donc c'est l'occasion de revenir sur ce premier album de ce groupe de Rotterdam, Tram House, qui évolue dans un registre avec de belles influences très rock, voire punk rock. Des références telles Pixies, Joy Division, Nirvana qui peuvent être citées pour évoquer cet album qui débute avec ce très bon titre, The Cause, que je trouvais très bienvenu précisément pour entamer ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Et voilà, c'est Tram House en découverte et en partenariat Ferrarock cette semaine. Très bon album que je vous recommande d'écouter attentivement pour ce projet qui nous vient de Rotterdam. Vous retrouverez plus d'infos, interviews auprès du groupe et écoute en partie de cet album avec le programme Dig Dig Diggers qui sera proposé ce vendredi sur notre antenne, 12h-19h lundi en matinale dès 8h. Une interview réalisée par Jordan de Radio Mega, Radioactive, et Guirec a réalisé une interview auprès de Lewis Evans. l'autre artiste album partenaire cette semaine. Et en troisième proposition carte blanche, vous retrouverez une interview de Céline Lepage, qui est déléguée générale de la Félin, pour le lancement de l'opération Indie First. Plus d'infos encore en vous rendant sur la toile, le net, le site dédié www.ferrarock.org. Première partie de ce programme, démo des sons sensibles, avec quelques infos actuelles à vous faire part, actu internationale et locale, avec malheureusement ce qui se déroule un peu partout de par le monde et qui parfois rend les choses assez, comment dire, complexes, d'aborder parfois aussi nos réalités qui peuvent être peut-être bien décalées. En tout cas, on évoque bien sûr cette actualité internationale et les conflits qui se déroule actuellement, et notamment un appel à manifestation qui va se dérouler à Saint-Étienne, génocide en Palestine et massacre au Liban qui se poursuivent malheureusement, et puis violence d'État encore en Kanaky ou en Martinique. Et c'est une manifestation sous ces mots d'ordre: la colonisation opprime et tue. Un rendez-vous est donné place Chavanel à Saint-Étienne ce samedi 5 octobre à partir de 14h. Je le disais, l'actualité peut parfois paraître dérisoire au vu de ce qui se déroule en effet ici et là. Et c'est le cas notamment assez affligeant de cette situation locale que nous avons évoquée ce mardi dans ce même programme. Après le retour du conseil municipal que je vous ai proposé, conseil municipal de Saint-Étienne, qui a fait sa rentrée ce lundi après-midi, avec quelques extraits et temps forts de cette séance de l'Assemblée municipale de ce lundi après-midi, avec entre autres points, vous l'avez entendu et suivi sur notre antenne, et cela fait l'objet de multiples articles dans la presse locale, la situation de la majorité, avec une énième démission, notamment celle concernant, et nous posions la question précisément mardi, de la situation et avenir de Christiane Farigoul. Christiane Michaud-Farigoul, 8e adjointe en charge du développement durable à la ville de Saint-Étienne et élue également à la métropole, à Saint-Étienne Métropole, en tant que déléguée auprès de Sylvie Fayolle, la première vice-présidente. Vous avez suivi ces propos véritablement racistes et identitaires qui ont fait l'objet d'interventions de l'opposition dans ce conseil municipal de ce début de semaine. On ne va pas revenir en détail sur ces propos. En tout cas, rappelez tout de même que Christiane Michaud-Farigoul fut directrice du foyer jeune travailleur Claire Vivre Wojcinski à Saint-Étienne. Et lundi, nous assistions à différentes démissions, celle de Tom Pentecôte, notamment, dans le cadre d'une ambiance homophobe qu'il vit et subit en référence absolument à l'affaire depuis deux ans maintenant, et qui a décidé de laisser son poste. Pierrick Courbon également, qui a annoncé sa démission sur d'autres raisons, notamment en tant que récemment élu député de la première circonscription, et toujours, il a fait le choix d'ailleurs de rester élu au département de la Loire. Et c'est donc désormais le cas de Christiane Michaud-Farigoul, qui pouvait se poser, après cette intervention de l'opposition, et de Pierrick Courbon en l'occurrence, l'élu socialiste en conseil municipal lundi après-midi, rapport donc à ses propos qu'elle a pu tenir sur un compte ex-Twitter, compte X. Lors de cette séance de conseil municipal lundi après-midi, le maire n'avait pas véritablement condamné les propos tenus par Christiane Michaud-Farigoul, apprenant apparemment en temps réel lundi après-midi la situation. Il n'a pas véritablement réagi non plus aux propos et à l'intervention de Tom Pentecôte quant à cette ambiance homophobe faisant référence à l'affaire et des propos qui avaient pu être tenus. D'ailleurs, le maire n'a toujours pas réagi, référence à l'affaire, alors qu'une nouvelle fois, finalement, l'opportunité se présentait et n'a pas condamné ce qu'il s'est passé, en tout cas, sur ces propos qui ont pu être tenus pendant l'affaire de la sextape. En tout cas, l'adjointe avait été appelée à intervenir pour se justifier et s'expliquer en séance de conseil municipal, et elle n'a pas nié, en effet, les propos qui ont pu être tenu et a tenté de se justifier en séance de conseil municipal. Et puis, assez laborieusement, il faut le dire, et puis s'est expliqué encore suite à la séance lundi soir via un communiqué Là aussi, toujours assez laborieux et maladroit, expliquant ne pas maîtriser ce réseau social, ne pas maîtriser Twitter, ne pas maîtriser X, chose qui est assez, en tout cas qui peut amener à presque sourire. Parce qu'en revanche, elle a tout à fait su nettoyer et supprimer les propos qui ont pu être tenus et même supprimer définitivement son compte en revanche. Et à la question que posait Pierrick Courbon au maire de Saint-Étienne, condamnez-vous ces propos ? Le maire avait dit non, retournant même la situation en mettant en cause sur d'autres points Pierrick Courbon. Et finalement, il a fallu deux autres communiqués de presse depuis lundi pour une véritable prise de position de la majorité. Une réunion également de la majorité hier soir. Et la décision est enfin tombée. Christiane Michaud-Farigoul présente sa démission de ses mandats à la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, qui sera remise au préfet ce matin même. Voilà, propos absolument condamnable, propos raciste et identitaire, qui absolument révélait aussi sans équivoque la position plutôt droite dure, voire extrême, de l'ex-socialiste. Tout cela aussi pour revenir à l'actualité locale et politique locale. Après le conseil municipal de ce lundi, c'est la tenue cet après-midi du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole, qui est toujours à suivre aussi en visio possible sur le site de la métropole. On passe à d'autres sujets et une autre question, celle environnementale et écologique, avec l'Euro Bird Watch, qui est un événement européen de Bird Life International qui a été créé en 1993, qui se déroule chaque premier week-end du mois d'octobre et qui met en avant le phénomène de la migration. Voilà, là un autre sujet, celle des oiseaux, celle des bêtes à plumes, grâce à des activités ouvertes à tous. Et donc c'est la LPO, la Ligue de protection des oiseaux de la Loire, qui nous a fait parvenir ce communiqué rappelant cet événement qui va se dérouler jusqu'au 13 octobre prochain pour découvrir le spectacle de la migration, avec un événement attendu, ce sera ce dimanche 6 octobre, observation de la migration des oiseaux sur le plateau de la Barbanche à partir de 8h30. L'accès y est libre et ça va se dérouler toute la journée jusqu'à 18h. On rappelle encore les 50 ans du parc naturel du Pilat, le parc naturel régional qui a fait l'objet d'une émission spéciale ce début de semaine, ce lundi. C'est la grande fête qui débute aujourd'hui, ce 3 octobre, tout au long du week-end, avec notamment une grande journée attendue ce dimanche 6 octobre. Ça se passe du côté de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette. Je vous rappelle l'émission spéciale consacrée donc ce lundi 30 septembre à cet anniversaire, les 50 ans du parc du Pilat, que vous pouvez retrouver en rediffusion, réécoute possible via notre site, les www.radioaudio.org. En tout cas, rendez-vous sur site, sur place, ce dimanche à Saint-Julien-Molin-Molette. La question de la mobilité sera au cœur d'ailleurs de ces festivités, et la question de la mobilité sera aussi à l'honneur à l'occasion d'une mobilisation, journée historique, pour continuer d'exiger la réouverture de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. C'est le groupe ATTAC de la région du Forêt qui nous a fait part de cette mobilisation. Il y a un collectif qui s'est constitué, le train 634269, avec un site dédié, le train 634269.org, un train pour trois métropoles, et donc exiger la réouverture de ce tronçon entre Boin-Thiers, une ligne ferroviaire donc Clermont-Saint-Étienne, avec 1 million d'habitants concernés. On parle beaucoup du ferroviaire actuellement, avec aussi la suppression envisagée du TGV par exemple entre Saint-Étienne et Paris. C'est le cas aussi sur cette autre ligne. Il s'agit aussi de défendre le ferroviaire par ses lignes possibles, relais du rail impératif, relais pour la réouverture de la ligne Clermont-Saint-Étienne, le retour du train exigé au travers d'une mobilisation et une manifestation qui se déroulera ce samedi 5 octobre, avec un rassemblement qui est prévu du côté de Thiers, et puis ensuite l'idée étant de rejoindre Boin-sur-Lignon à pied, à vélo, dans les moyens possibles. N'hésitez pas à suivre cet événement via le site que je vous ai donc transmis juste auparavant, le train 634269.org, et rendez-vous donc ce 5 octobre. Pour informations et autres, vous avez également un numéro de téléphone possible que nous a transmis le collectif, c'est le 07 68 03 49 10, 07 68 03 49 10. un événement avec le collectif Partage Eau que l'on a déjà évoqué sur cette antenne, dont nous sommes partenaires, et nous le serons prochainement pour le deuxième forum de l'eau qui se tiendra le 16 novembre prochain du côté de Saint-Galmier. Vous pouvez d'ores et déjà noter cette date. Vous savez qu'un groupe de personnes, organisations, citoyens, citoyennes et autres collectifs se mobilisent et réfléchissent à cette question de l'usage de l'eau. Ce sera le cas à nouveau au travers de ce forum départemental qui se tiendra le 16 novembre. Et d'ici là, eh bien, de nombreux événements se déroulent actuellement au travers de rencontres projections, de conférences, qu'on rappelle régulièrement sur cette antenne. Ce sera le cas à nouveau ce 5 octobre avec un salon qui se tient du côté de Saint-Chamond, le salon Demain Autrement. Ce sera ce 5 octobre de 10h à 18h. Un événement qui regroupe une cinquantaine d'acteurs organisés autour de différents sujets comme l'alimentation, l'environnement, la consommation, l'habitat, la mobilité justement. Donc l'occasion d'aborder ces différentes thématiques déclinées aussi au travers de l'économie, la santé, les énergies alternatives, le plan vélo, la biodiversité, et le collectif Partage Eau tiendra un stand toute cette journée et participera à une table ronde à 14h30 ce samedi 5 octobre. Quelles adaptations aux nouveaux enjeux sur la gestion de l'eau sur un territoire? Voilà une sacrée question posée, et ça se déroulera salle Aristide Briand, parc Nelson Mandela de Saint-Chamond. On rappelle que cet événement est gratuit. Et alors, tout à fait en lien, on aborde là une question plus régionale, mais un enjeu important relayé aussi sur notre antenne à de multiples reprises, c'est ce fameux Lyon-Turin qui a fait l'objet de multiples mobilisations. Et alors, nous avons reçu du collectif Stop Lyon-Turin un communiqué rappelant que la société TELT, qui est responsable du creusement du tunnel Lyon-Turin, a publié un appel d'offres le 23 septembre dernier pour la mise à disposition de camions-citernes connectés à des unités de distribution d'eau potable et ou de pick-up et d'eau en bouteille sur la zone prévue de creusement de Saint-Jean-de-Maurienne à la frontière italienne. L'appel d'offres est le suivant. Le présent marché public, je cite, a pour objet la réalisation de travaux préparatoires et la mise en œuvre de mesures compensatoires d'urgence et transitoires pour l'alimentation en eau potable sur les communes de Maurienne situées entre Saint-Julien-Mont-Denis et Valsenis. Voilà, il s'agit toujours de dénoncer la prédation, la pollution, le gaspillage et maintenant la disparition de l'eau potable contenue dans les nappes phréatiques, fracturée par les travaux de percement, au détriment bien sûr des habitants habitantes de cette vallée de la Maurienne. Alors face à cette nouvelle situation, c'est une mobilisation qui va avoir lieu une nouvelle fois ce week-end. Voilà, on se permet donc de le relayer. Ça va se dérouler certes un peu loin en région, en Savoie, du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Manifestation pour la liberté d'expression et contre le Lyon-Turin. Quant à cette nouvelle, mais surtout la liberté d'expression, parce que toute mobilisation et manifestation sont désormais interdites du côté de la Savoie concernant le Lyon-Turin. Celle-ci semble avoir eu l'autorisation de la préfecture, mais en tout cas, voilà, difficulté à se mobiliser véritablement sur cette question. Ça se passera à Place du Champ de Foire, à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce sera ce samedi à partir de 14h. Voilà pour cette première salve d'infos dans ce programme Démo des sons sensibles. Et nous allons faire une petite proposition musicale avant de retrouver nos invités du jour avec une actualité concert. C'est l'association Pluie de Fuite, toujours très évident à dire en radio, qui organise ou co-organise de nombreux concerts sur la ville et qui a le plaisir d'accueillir le très bon groupe Argo Lunaire, qui va se produire ce soir, ce jeudi 3 octobre, au Café des Artistes, place Jean Jaurès, à 20h30. Les entrées se feront au chapeau. Et je vous propose de découvrir ce projet-là, qui est emmené par l'artiste Anne Quillier, qui est très étroitement associée à La Fraternelle, ce fameux lieu social et culturel de Saint-Claude, dans le Jura, et qui est entourée de nombreux musiciens pour mener ce projet-là, qui a fait sa première officielle ce 4 octobre, du côté de La Fraternelle à Saint-Claude. C'est un sextet des compositions originales avec violon, basson, clarinette basse, contrebasse, piano, batterie. Et donc ce sera l'occasion de découvrir cette musique qui lorgne entre rock de salon et jazz de chambre, on va dire. Et donc ce sera ce soir à Saint-Étienne, place Jean Jaurès, au Café des Artistes. Je vous propose de les découvrir avec le titre Punk Licorne. C'est le projet Argo Lunaire sur le 895 de Dio. We'll be right back. extrait de Argot Lunaire, donc, qui se produira au Café des Artistes, Place Jean Jaurès, 20h30, ce jeudi 3 octobre. Et puisqu'on est aussi dans ce milieu et monde du jazz, vous rappelez bien sûr l'événement actuellement qui se déroule sur Saint-Etienne et toute sa métropole jusqu'au 20 octobre prochain, le Rhino Jazz, partenaire Dio, avec le concert du Belmondo Dead Jazz, reprise du répertoire du Grateful Dead, ce jeudi 3 octobre également, 20h30, salle Le Fil. Et puis toute cette fin de semaine, tout puissant Tropical Orchestra, ce sera à Chambœuf, la nuit du Rhino, à la passerelle de Saint-Just-à-Rambert, à la Fouillouse, Froggy Blues et compagnie, Soulshine Voices à Lorette, Roll Hot Trio également à Tartara, ou encore Rome Chukar, ce sera à Genilac. Toutes les infos, rhinojazz.com pour ces nombreux concerts qui vont se dérouler encore toute cette fin de semaine et ce week-end. Nous arrivons à mi-parcours de ce programme, des mots, des sons sensibles, qui a commencé un peu dans le dur et qui va se terminer tranquillement. On va dérouler jusqu'à la fin de cet horaire imparti pour aborder l'actualité culturelle et théâtrale, notamment avec le Choc Théâtre et le Verso qui sont avec nous. Je vous les ai présentés en toute ouverture de ce programme, Marion et Jason pour le Verso et Grégory pour le Choc Théâtre. Re-bienvenue sur le 895 de Dio et re-salutations à vous. Vous êtes responsable communication au sein de ces deux théâtres locaux situés quartier Saint-François. On rappelle les adresses de suite, Grégory et Marion, pour resituer sur ce quartier. Alors, de la ville. Le théâtre, c'est le 24 rue Bernard Palissy. Et pour le théâtre Le Verso, c'est le 61 rue de la Richelandière. Voilà deux théâtres voisins et que l'on connaît bien aussi par cette petite ruelle qui finalement permet de aussi rejoindre ces deux théâtres. La ruelle, un travail, on le disait en ouverture, collectif et mutualisé depuis longtemps, depuis quasi vos créations. Le Choc Théâtre est né avant le Théâtre Le Verso, à un ou deux ans d'ancienneté. Je crois en 98, le Choc a été créé. Ah, nous en 2002. Voilà. Et depuis 2002, en tout cas, vous mutualisiez vos communications et donc vos propositions via une plaquette et un document de communication commun. Ce qui n'est plus le cas pour cette saison 2024-2025. Néanmoins, vous êtes ici pour le représenter à nouveau. Cette ruelle existe bel et bien toujours. Donc une séparation non pas géographique, mais voilà, en termes simplement de communication avec, pour le Choc, une présentation de saison qui a eu lieu le 12 septembre dernier. C'est un petit peu vous qui avez ouvert, là, côté Saint-François, les hostilités. Avec une présentation de saison, partagée en demi-saison, en fait. Hein, semestrielle, voilà, je cherchais le terme. Et pour le Verso, lancement de saison le 17 septembre dernier, pour une présentation de saison annuelle. C'est ça. On a tenté cette année une présentation de saison complète. Est-ce que peut-être simplement vous vouliez expliquer qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de communiquer autrement et différemment pour cette saison, alors que en effet ce travail se menait depuis 2002, date de création en effet du Verso. Les deux raisons principales, la toute première, c'est qu'on s'est rendu compte que communiquer ensemble, c'était une force et parfois une faiblesse. On s'est rendu compte que on avait du mal aussi à exposer parfois nos temps forts différents. Je pense que typiquement en début de saison, le Choc Théâtre a un festival, Mon Plaisir est Stéphanois. On avait du mal à le mettre en avant sur sur la plaquette commune. Nous, pareil, on sentait qu'on avait un petit peu du mal à avancer certains spectacles, certains partenariats, parce que on fait la même chose au quotidien, mais par contre on construit indépendamment nos saisons. On a des partenaires différents, on a des événements aussi qui ont une signature différente. Je pense au coup de lune pour le Choc Théâtre, je pense aux lectures des étudiants de la Comédie de Saint-Étienne pour le Verso. Voilà, ça devenait de plus en plus compliqué de dire, alors nous on fait ça, mais pas eux, eux ils font ça, mais pas nous. Et au bout d'un moment, on en est venu à avoir des communications qui ressemblaient plus à un catalogue, et on avait envie d'aller au-delà. Et la deuxième grosse raison, c'est que le théâtre Le Verso, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, prend un virage. La compagnie Travelling Théâtre prend ses valises et est sur la route. Et une nouvelle direction de la part de Marjorie Lurol va se faire à partir de janvier pour le théâtre Le Verso. Et c'était peut-être aussi l'occasion pour nos deux structures d'assumer nos deux identités. Nous, on en a une à créer et le choc en a une à deux fois plus développée, même si elle est bien développée déjà. Voilà pourquoi un support différent, parce qu'il y a pas mal d'évolutions de part et d'autre. Nous, c'est un départ de la compagnie. Le choc, c'est un tout nouveau lieu, tout neuf aussi. Donc, et oui, avec des travaux de rénovation qui ont eu lieu cet été. En tout cas, vous continuez bien sûr à collaborer et à vivre ensemble et faire vivre surtout ces théâtres et ce quartier Saint-François, tout en soutenant les artistes, l'émergence. Et vous vous engagez toujours de façon aussi commune à soutenir la création et l'émergence, bien entendu. La Ruelle en interview croisée donc aujourd'hui, avec ce changement, tu disais passage de témoin finalement en cours du côté du Verso, donc une nouvelle directrice. Oui. Qui devrait arriver en début d'année 2025. Elle est là depuis 8 ans, mais elle va peut-être changer de siège. Marjorie Lurol, elle est en place au Verso depuis un moment et c'est tout naturellement que Gilles Granouillet a décidé de passer la main à l'équipe qui se bagarre au quotidien. Comme c'est le cas depuis longtemps, voilà. Avec aussi des bénévoles et des personnes qui accompagnent finalement aussi ce lieu de façon précieuse et très investie. C'est le cas également du côté du Choc Théâtre. Alors Gilles Granouillet a fait un petit rappel dans l'édito de cette plaquette et de cette nouvelle saison, en faisant ce petit rappel précisément historique et puis faisant part de quelques inquiétudes qui me semblaient pouvaient être tout à fait partagées, et j'aurais aimé avoir peut-être vos réactions sur ce qu'évoque Gilles Granouillet de Travelling Théâtre donc, qui semble inquiet, pas véritablement du passage de témoins et de la transmission en cours, mais d'une situation beaucoup plus générale, celle de la place de la culture, des lieux de culture, des artistes et des années à venir précisément. Il pose ainsi la question, quelle place pour le pas de côté, le geste poétique dans une société dont la devise risque de devenir identité, sécurité, profit ? Inquiétude partagée sur ce point précisément, comment vous adhérez ou en tout cas rejoignez en effet ce constat Je pense que dans nos théâtres respectifs, on essaie de tisser du lien entre les gens, justement, de rassembler et d'être un point de rencontre et d'échange, justement, à travers des pièces qui sont engagées et de permettre, après chaque représentation, d'avoir un temps d'échange entre spectateurs, artistes et qui portent une réflexion sur leurs œuvres qui, bien souvent, elles-mêmes portent une réflexion sur la société et sur les clivages actuels. Marion, peut-être tu voulais... Oui, à la question quelle place pour les lieux de culture et les artistes, il me semble que la Ruelle, elle œuvre au quotidien pour faire de la place à des nouvelles propositions artistiques, des nouveaux messages donnés et... On a cette inquiétude-là de se dire est-ce que nos lieux peuvent continuer à vivre et s'accrocher tout en étant vraiment libres d'ouvrir la porte à tous au quotidien avec une confiance et une bienveillance qui est une ligne de conduite de la Ruelle depuis toujours et c'est l'ADN de nos lieux. Donc effectivement, il y a de l'inquiétude. L'inquiétude se porte aussi en termes économiques ou non pour vos structures. Gilles Granouillet le rappelle aussi, le démarrage aussi de l'aventure s'est fait sans soutien au départ institutionnel. Depuis, bien sûr, les années ont passé et les soutiens aussi sont arrivés, institutionnels, du département, de la ville, d'autres encore aujourd'hui. Mais c'est un engagement, comme on le disait aussi, à la fois bénévole, de personnes qui accompagnent aussi ces lieux de vie précisément, en témoignent encore les travaux de rénovation réalisés cet été. Vous avez lancé un appel, me semble-t-il, à contribution Tout à fait. Pour réaliser ces travaux. Est-ce que c'est en termes de réalité aussi peut-être économique, est-ce que c'est une difficulté qui se pose à ce jour en 2024 de par tout ce que l'on sait et connaît et traverse on connaît la politique culturelle municipale qui a pu annoncer aussi des baisses notoires de subventions depuis quelques temps. La politique culturelle gouvernementale qui peut aussi être quelque peu inquiétante. Est-ce que c'est une réalité qui vous impacte au sein de vos structures ? Oui, notre économie est fragile, elle est fragilisée à chaque fois que les enveloppes pour la culture sont remises en question et sont témoins de différentes coupes, surtout que nous, notre économie, elle repose beaucoup là-dessus, que ce soit au Choc Théâtre ou au Théâtre Le Verso, on n'achète pas les spectacles, c'est-à-dire que notre économie ne nous le permet pas, on fait de la co-réalisation. C'est-à-dire qu'on donne une petite enveloppe aux compagnies qui sont présentes chez nous, mais après il y a un partage de billetterie qui se fait. C'est à chaque fois au moment où on achète un billet au Choc ou au Verso, on se dit que c'est 70% qui revient dans la poche de la compagnie et 30% pour le lieu. Donc effectivement notre économie elle est fragile, et ce qui est aussi très problématique et ce qui est un gros problème de rebond, c'est que si notre économie est fragile, on fragilise aussi l'économie des compagnies qu'on accueille. Déjà que nos accueils sont modestes, tout est lié. Oui, c'est vrai, Grégory. Tout à fait. Et puis c'est vrai que, comme disait Marion, on a un partage de billetterie à 70-30, 70 pour les compagnies et 30 pour nous. Et c'est vrai que nous, c'est notre cas actuellement, on subit quelques baisses de subventions depuis 2 ans maintenant. On essaie de se bagarrer pour essayer de qu'il n'y ait pas trop de baisse, mais c'est vrai que c'est tout un écosystème. Si nos subventions baissent, après ça veut dire que les conditions d'accueil des compagnies sont amoindries, sont plus difficiles, et on peut en accueillir peut-être un peu moins. Donc c'est tout ça qu'il faut recalculer à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite part d'inquiétude, et on espère que cette tendance de baisse de subventions ne va pas se poursuivre sur les années à venir. Et que les conditions de subvention aussi ne soient pas toujours remises en question, repensées, remises sur la table. Est-ce que parce que voilà, avant on avait des subventions sur un projet d'établissement, maintenant c'est sur des projets tout court qui sont fléchés. Ça pose question. À quel moment du coup, où sont les cases ? Voilà. Et oui, est-ce qu'on peut avoir, s'il y a moyen de les communiquer, savoir à quelle hauteur, par exemple, justement, vous êtes accompagné, soutenu ? Si on prend l'exemple de la ville, par exemple, est-ce que vous avez des éléments chiffrés ? Pour le Verso, on doit être aux alentours de 60 000, il me semble. D'accord. Et pour le Choc ? Et pour le Choc, cette année, on a été à 56 000. Et on s'est bagarré un petit peu pour que la baisse de subvention, on a été baissé de 4 400 euros cette année, ne soit pas effective. Et finalement, on a pu convaincre les élus de ne pas baisser une nouvelle fois nos subventions. Ouais. Pour reprendre et revenir dans la ligne artistique, est-ce que cela vous a et vous oblige finalement à repenser aussi en termes de proposition, en termes de programmation, en termes de diffusion, et donc au nom par exemple de levée de rideau, d'accueil de compagnie ? Et si oui, sous quelle forme ? Eh ben, pour nous, par exemple, on a été obligé de repenser notre accueil en résidence, par exemple. Avant, on en faisait beaucoup plus, et c'est vrai que ces baisses successives de subventions nous ont obligés à réfléchir cet accueil. Et maintenant, on se limite à 5 accueils par saison. Avant, on en faisait 10, 11, voire 12 des moments. Donc, divisé par 2 tout de même. Divisé par 2, oui. Ouais, on repense également aussi à notre programmation, nos temps d'accueil, parce que à savoir que nous, à chaque fois qu'on ouvre nos théâtres pour des représentations, on y perd de l'argent. Tant les compagnies. Donc voilà, réfléchir à combien on propose de dates aux compagnies. Alors après, nous, là où on a un point fort, c'est que on travaille avec des compagnies qui sont locales. Donc il y a aussi ça qui fait que on a la possibilité de solliciter les compagnies qui sont proches, Mais si on a envie de faire découvrir des compagnies qui sont bien plus loin, là, obligatoirement, ça remet en question plein de choses. Et de fait, ça nous oblige à repenser les choses. Et voilà, plutôt que d'accueillir des nouveautés d'ailleurs, trois compagnies, bah là, c'est qu'une. Est-ce que cela se reflète aussi sur votre billetterie, par exemple, et vos tarifs que vous avez, pour exemple, appliqués, ou de nouveaux dispositifs que vous auriez mis en place pour cette nouvelle saison 24-25 ? Alors, on essaye d'avoir une politique de tarifs commune avec le Verso, et d'essayer de ne pas trop impacter justement le public et ne pas augmenter le prix des places. On l'a fait il y a un an et demi maintenant, d'augmenter d'un euro, ce qui n'était pas arrivé depuis 5-6 ans. Je crois plus même. Plus même. Et voilà, et on essaye dans la mesure du possible de ne pas impacter le public et de pouvoir rester accessible et populaire, ce qui est l'ADN de nos théâtres respectifs, et de pouvoir accueillir le plus de monde possible. Ouais, on évite la répercussion justement sur le public, ce qui serait un non-sens chez nous. On réfléchit à ce que les compagnies et les projets rencontrent leur public. Ça serait complètement fou de notre part de commencer à justement devenir élitiste, parce que pour aller au Verso ou au Choc, il faut payer 20 balles sa place, quoi. Alors justement, on est sur un prix moyen de 13 euros en plein tarif, et après voilà, on a les cartes 5 places qui sont à 45 euros, voilà, pour favoriser le 9 euros la place. Les personnes au RSA qui sont à 6 euros la place. Voilà, on tente d'être au plus juste. Absolument. Pour peut-être ceux qui vous découvriraient là en vous écoutant, représenter votre ligne peut-être justement et axe fort artistique. Comment on pourrait présenter en quelques mots ce que défend le Verso et le Choc ? Je me lance. Qu'est-ce qu'on défend ? Ah, elle n'est pas facile, cette question. En fait, on défend un théâtre pour les curieux et les curieuses. C'est-à-dire que nous, on ne sélectionne pas les spectacles sur des esthétiques précises, même si voilà, on a à cœur d'avoir des spectacles de qualité, tant sur le texte ou les pratiques artistiques. On est aussi curieux, on est aussi bienveillant, et souvent la sélection et la programmation se fait sur des spectacles qui nous sont présentés, qui ne sont même pas créés, mais qui décloisonnent, qui laissent à penser, qui laissent à réfléchir. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale fixe, parce qu'en fait, on fait avec ce qui nous est proposé. C'est vraiment un travail conjoint avec les compagnies. Les compagnies. Et donc la création, l'émergence et le local, comme tu le disais aussi tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est vraiment, il me semble, les trois lignes directrices les plus fortes. Et avec toujours en pensée le public aussi, qui est recherché. On veut des curieux, on veut des curieuses, on veut des gens qui ont envie de découvrir, qui ont eux aussi pas peur en fait de la nouveauté. Côté Choc. Côté Choc, on est à peu près sur les mêmes lignes. Je dirais peut-être en plus c'est un lieu libre et engagé. Qui porte la parole de personnes qu'on n'entend peut-être pas assez. Les pièces, donc c'est pareil, on les choisit pas, c'est beaucoup les compagnies qui nous les proposent. C'est un lieu, c'est une maison où on accueille les compagnies pour travailler, et c'est surtout des pièces qui ont une réflexion, une vision sur notre société d'aujourd'hui et d'hier aussi, et qui nous amène à réfléchir sur notre vivre ensemble, quoi. Comment on appréhende l'autre à travers notre histoire. Résistance, un des mots-clés aussi du Choc, qui figure au sein de l'édito, signé Alain Besset, metteur en scène associé et conseiller artistique, compagnie Electrochoc. Gilles Granouillet pour le Verso, qui a signé l'édito, Travelling Théâtre, qui reste finalement artiste très étroitement associé, toujours et encore. Jusqu'à fin décembre, et puis après, On accueillera les prochaines créations avec le plus grand plaisir. Il y a beaucoup de choses qui vont continuer à se faire, mais là, ça sera indépendamment. Écriture et mise en scène qu'a privilégié Gilles Granouillet. Pour entrer un petit peu dans le cœur du sujet, finalement, et parlons d'artistique, avec déjà peut-être les lancements de saison qui ont déjà, par les spectacles proposés, témoigné de votre démarche. Le Verseau a accueilli le collectif 7, Sweetie, le spectacle qui a été joué fin septembre dernier. C'était la toute première proposition. Eh ben non. Ah non, elle a été annulée, justement. Ouais. Oui, zut. Ouais, on a fait un faux départ. Absolument, un faux départ. Et je rejoins le faux départ. Donc, le starting block, ce sera là prochainement. Ça sera le 11 octobre. Le 11 octobre. Avec les lectures d'un texte de Gilles Granouillet, Les Anges de Massilia, par les étudiants de la Comédie de Saint-Étienne. Voilà, comme quoi Gilles Granouillet est encore bel et bien présent. Et puis, du côté du choc, il y a eu, côté lancement de saison, le festival Mon Plaisir. Il y a eu la scène ouverte Coup de Lune, un rendez-vous aussi traditionnel presque au choc théâtre. Et finalement aussi, conjointement, vous avez accueilli la quinzaine Louise Michel, qui a quand même animé toute la ville en différents lieux, mais en vos théâtres également. Ce fut un peu là aussi une programmation assez commune, finalement. Vous avez accueilli trois événements de la quinzaine, il me semble. Oui, trois événements. Et nous, on a accueilli la clôture. Voilà. La soirée de clôture du dimanche soir. Oui. De cette quinzaine Louise Michel qui vient de se dérouler avec Sabrina Laure et l'ensemble Nomade, qui va être de retour, me semble-t-il, au choc. Parce que l'actualité, c'est ce soir et demain, c'est 3 et 4 octobre. Voilà. Transition est faite, puisque Sabrina a travaillé sur Mathilda. Tout à fait, donc ce ne sera pas la compagnie Ensemble Nomade, mais ce sera la compagnie Les Montures du Temps pour le spectacle Mathilda, donc ce soir, et à 14h aussi. Nous avons deux représentations aujourd'hui et deux représentations demain, 14h et 20h. Voilà, Mathilda, c'est une pièce polyphonique où l'autrice et comédienne Anaïs Sintas souhaite, à travers un récit initiatique, donner aux jeunes et aux moins jeunes, et en particulier aux filles, le goût des sciences. Donc sa pièce suit les questionnements d'une jeune femme passionnée de littérature et qui progressivement va découvrir que, en fait, elle aime beaucoup l'astrophysique et elle va se passionner par l'astrophysique et on va suivre son histoire. D'accord, et pour reprendre ce faux départ que l'on va reprendre justement, Marion, côté Verseau, certes, Sweetie a été annulé, mais il y a, et je l'ai annoncé ce début de semaine, des ateliers qui ont été lancés, je crois que c'était au 1er octobre. Oui, tout à fait. Le projet 5 mains coupées, que peut-être tu peux présenter, qui va donner lieu quand même à un événement fin novembre, Le cortège Saint-François. Exactement. Oui, effectivement, il y a des faux départs sur les représentations, mais par contre, sur ce qui se passe au Verseau, là, c'est bien parti. Le collectif X, effectivement, va présenter le 29 et 30 novembre le spectacle 5 mains coupées de Sophie Divry et du coup autour de ça, puisque c'est un spectacle qui est porté par le collectif X mais aussi la Quincaillerie Moderne, on a eu envie d'associer deux structures qui sont le théâtre Le Verseau et le cinéma Méliès Saint-François, parce qu'on avait aussi envie de dire qu'il se passait des choses dans le quartier de Saint-François. 5 mains coupées, pour la faire assez courte, c'est un texte qui témoigne des personnes mutilées lors des manifestations des Gilets jaunes, et ce texte témoin est porté à la scène par le collectif X et la Quincaillerie Moderne, alimenté d'un cœur d'amateurs et amatrices. C'est pour ça que des ateliers vont être faits en amont, pour pouvoir justement que le spectacle prenne vie avec tous les protagonistes. Et en parallèle aussi, nous aurons d'autres ateliers qui seront plus portés sur l'écriture, du coup en portant sur les thématiques de l'injustice et des violences d'État. Et ensuite ça donnera lieu à une restitution le 30 novembre. Voilà, pourquoi deux structures? C'est parce que du coup on a décidé de faire se balader les publics sur ces deux jours. Il y aura à chaque fois une première partie qui se déroulera au Verseau et une deuxième partie avec la présentation du spectacle 5 mains coupées qui sera présente au Méliès Saint-François. Voilà. Et pourquoi un cortège ? Oui. Parce que le public se déplacera en cortège entre le Verseau et le Méliès. Et le Méliès Saint-François. Il y a, tu as dit le 30, mais il y a le 29 également. Exactement. Ouais. Et le 29, par contre, la première partie, ça ne sera pas une restitution de l'atelier sur l'injustice et les violences d'État, mais ça sera une projection d'un documentaire de Gilles Perret et François Ruffin, Je veux du soleil, qui voilà, semble être en résonance avec le spectacle qui sera présenté 5 mains coupées. Voilà, tous deux qui viennent aussi de réaliser un nouveau film qui s'appelle Au boulot. Exactement. Qui vient d'être présenté en avant-première et qui va sortir. Il a été présenté au Méliès en avant-première il y a peu. Ah oui, exact. Et François Ruffin est venu d'ailleurs en terre stéphanoise à l'occasion de cette présentation et de cette diffusion, projection. Et, mais là, voilà, c'est un autre film qu'ils vont présenter, donc Je veux du soleil, un film de 2019, qui sera projeté le 29 novembre, donc à 19h. Exactement. Donc rendez-vous Verseau Saint-François les 29 et 30 novembre pour ce cortège à Saint-François. Sophie Divry, autrice que l'on connaît bien, qu'on avait rencontrée d'ailleurs aussi ici à Saint-Étienne pour d'autres travaux, journaliste aussi, militante, qui sera présente d'ailleurs aussi prochainement puisqu'elle sera le samedi 12 octobre à la fête du livre de Saint-Étienne. À 10h à l'hôtel de ville, elle fera l'objet d'une rencontre, ce sera salle 119 précisément, autour de son dernier ouvrage fantastique, Histoire d'amour, qui est paru aux éditions du Seuil. C'est un autre registre. Est-ce que vos deux théâtres vont aussi, peut-être pour ce rendez-vous prochain, puisque nous sommes dans les dates, agenda à venir, est-ce que vous allez contribuer d'une manière ou d'une autre, ou être associé à cet événement littéraire ? Alors, pas pour notre... pas au choc. Voilà, on a... Eh ben, nous non plus. Ok. Ben voilà, la question... la réponse est donnée, en tout cas. Non, mais je fais aussi le lien entre théâtre, écriture, bien sûr, et on sait qu'il y a aussi ce travail mot en scène qui aussi intègre cette programmation de cette fête du livre. Dans les autres propositions à venir, parce que ce seront aussi vos prochaines dates, début octobre, à partir notamment du 11 octobre, alors peut-être l'occasion de revenir sur ces deux autres temps forts, notamment du côté du Verseau, puisque théâtre, écriture, lecture, justement la comédie lit le théâtre d'aujourd'hui. C'est un premier rendez-vous dans ce que vous avez nommé One Shot, ouais, qui va se dérouler le 11 octobre. Marion, si tu veux nous le présenter. Bah, c'est assez simple. On a les étudiants de la Comédie de Saint-Étienne qui viennent au Verseau pendant 2 jours et puis qui travaillent avec un ou une metteur en scène qui met en voix un texte contemporain d'un auteur bien vivant. Et après, le one shot, c'est qu'il y a une ouverture gratuite au public pour cette restitution et cette présentation. Et là, effectivement, le 11 octobre, ben on a eu envie de faire un petit salut à Gilles Granouillet sur une de ses pièces phares qui sont Les Anges de Massilia. Très bien. Pour ces soirées one shot, il y en aura d'autres à suivre au fil de la saison. Oui. Ce sera là le 11 octobre. Et 11 octobre, là aussi, lancement d'un autre spectacle du côté du Choc Théâtre Voisin. Une pièce ou une création, je dirais presque maison, c'est la compagnie Electrochoc qui proposera Bestiaux, qui va être joué du 11 au 18 octobre, Grégory. Tout à fait, voilà, c'est une pièce maison, mais en coproduction avec la compagnie L'Individu, une compagnie toulousaine qu'on a rencontrée il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Voilà, c'est l'histoire de deux anciens footballeurs qui racontent leur incroyable amitié. Et l'histoire nous plonge au cœur du stade Geoffroy Guichard, un 18 avril 98, où Louan Cuiseau est venu affronter Saint-Étienne lors d'un match retour. Et où le club de l'Est Saint-Étienne risque une relégation en national. Voilà. Tiens, c'est pas la première fois que le foot est abordé par électrochoc. Hein. Non, c'est quelque chose qui est cher. C'est aussi une discipline chère oui, au cœur d'Alain Besset. Tout à fait, et puis aussi à l'équipe, je dois dire aussi que ouais, ça nous plaît aussi beaucoup. Voilà, c'est aussi une question de populaire aussi le sport et le foot. Et voilà, une petite particularité sur cette pièce, c'est que nous avons tissé un partenariat avec la brasserie Geoffroy Guichard et le Méliès, et la pièce sera donnée en hors les murs le lundi 14 octobre à la brasserie Geoffroy Guichard avec en arrière-fond la pelouse du stade. Et voilà, ils vont raconter leur histoire et leur amitié dans cet endroit magnifique. Ouais, Bestiaux, une création aussi qui va tourner ensuite. Hein. Oui, tout à fait, puisqu'il y a des dates qui seront programmées au Festival des Galochades. Et une date à Rive-de-Gé aussi, voilà. Les partenariats sont nombreux hein, aussi finalement concernant vos structures, hein, de par les compagnies certes que vous accueillez, mais aussi je pense à d'autres lieux, tu évoquais le Méliès Marion, la brasserie, enfin voilà, c'est aussi un gros travail partenarial que vous engagez bien souvent au sein de vos saisons. Bah, c'est toujours important de penser à plusieurs, c'est toujours important aussi de se décloisonner, d'aller voir ce qui se passe quand on tend la main, qui l'apprend, quelles sont les choses à inventer, quels sont les lieux à découvrir, voilà. On part du principe que si la ruelle veut qu'on vienne la rencontrer, il faut bien qu'elle aille rencontrer les autres aussi. Ouais, c'est tout à fait ça aussi. D'ailleurs, c'est l'objet aussi de notre festival Mon Plaisir est Stéphanois, c'est de sortir le théâtre du théâtre pour notre part et d'aller à la rencontre des spectateurs qui n'osent peut-être pas pousser la porte du théâtre et leur proposer des pièces. Et finalement, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ils viennent à notre rencontre aussi. Oui, il s'agit aussi de désacraliser hein, bien souvent le théâtre et ses lieux, qu'on pense bien souvent comme élitistes. Oui, voilà, montrer qu'il y a des visages, des gens, et que en fait, non, c'est convivial. Ce qui compte en vos lieux, tout à fait. Le bar est toujours aussi ouvert, bien sûr. Ouais. Notamment parce qu'il y a le théâtre, mais il y a le bar. Bah, c'est là où on aussi parle. Les lieux de rencontre et de discussion. On fait du vivant. Avant et post représentation. D'ailleurs, vous avez lancé lors de votre lancement de saison, Grégory, une exposition. C'est aussi une tradition sur le choc. Objet magique de l'artiste Blue. Est-ce que c'est une expo qui est toujours visible actuellement? Alors, c'est une expo qui malheureusement a été annulée. Deux faux départs en une émission, c'est pas mal. Malheureusement, on a presque trois. L'entame a été laborieuse. Oui. Ok, donc plus à l'ordre du jour. C'est plus à l'ordre du jour, mais on a fait une exposition des affiches de la compagnie Electrochoc qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, un peu plus même. Et on a affiché de grandes toiles réalisées par Hervé Faugeron, donc notre régisseur d'accueil. Et c'est des toiles sur le spectacle Artaud et Paroles d'esclaves. Donc voilà, c'est à découvrir, ce sont des œuvres très très grandes qui ornent le hall du choc et voilà, c'est à découvrir, c'est magnifique. Vos lieux à découvrir, le temps imparti est désormais écoulé, on a déjà présenté ce lancement et début de saison, hein. D'autres spectacles vont venir que l'on va suivre au fil de la saison. On invite bien sûr le public à aller en vos murs, hein. Précisément on le rappelle, 24 heures Bernard parle ici pour le Choc Théâtre, rue de la Richelandière et au 61 précisément rue de la Richelandière pour le Théâtre Le Verso. N'hésitez pas à pousser la porte en effet et puis aller apprécier les spectacles proposés et au-delà ces lieux de vie aussi finalement que vous proposez et que vous animez. On renvoie aussi sur vos sites internet respectifs parce que c'est l'occasion d'avoir tout le détail de la programmation. C'est choctheatre.com, tout accroché en minuscules pour le Choc bien entendu, et pour le Verso c'est travelingtheatreleverso.fr qui va peut-être d'ailleurs être rebaptisé. Et oui. Forcément, cela viendra un moment ou un autre. Pour l'heure, ça reste le contact possible. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. On vous souhaite une bonne continuation et puis surtout une bonne suite de saison. On va terminer ce programme en musique avec quelques infos très rapides culture pour vous rappeler qu'il y a actuellement aussi le Grand Luxe et sa session de visionnage qui se poursuit du côté de Bellevue, c'est jusqu'au 11 octobre, ça a repris depuis ce mercredi de belles propositions, du Bruce Lee, La Fureur du Dragon ce soir par exemple, du Mad Max, du Evil Dead, c'est du cinéma de genre, mais d'autres propositions faites aussi jusqu'au 11 octobre prochain, grandluxe.org pour avoir toutes les infos. Un petit rendez-vous littéraire et graphique avec les petits formats Soubok qui sont parus aux éditions Jargille, et c'est à l'occasion de la sortie de Second Plan, c'est l'auteur du Pas de la Manu, Baptiste Desrailles, qui sera présent pour exposer ses dessins originaux à la librairie Les Intrus à Saint-Étienne, et qui viendra d'ailleurs aussi à la rencontre du public et en dédicace ce vendredi 4 octobre à 18h, la librairie Les Intrus qui, j'ai perdu l'adresse, mais qui est pas très loin des en cœur de ville, anciennement la Fnac, la rue qui... Voilà. Anciennement vers Tapis Vert. Absolument. Voilà, j'ai perdu le nom et l'adresse. Bref, rue Louis Braille. Voilà, ça y est, au 22 rue Louis Braille pour la librairie, décidément. Et puis vous annoncer, ce sera la dernière toute dernière annonce, un rendez-vous concert de cette fin de semaine, c'est la MJC des Tilleuls qui organise une soirée rap ce samedi soir intitulée ou titrée Rapso. C'est la première édition, il y aura d'autres rendez-vous de ce type, c'est 100% rap, c'est une soirée en soutien aux brigades de solidarité de Saint-Etienne. Ça va donc se dérouler à la MJC en ces murs, 8 rue du Pavillon Chinois, avec une belle programmation faite. Cela vous dit peut-être rien, mais la programmation est véritablement de qualité et n'est pas seulement locale. Il y a DJ Batard, il y a Black Wind, il y a Benji Mossa et DJ Loconoles et Camélon X que je vous propose de découvrir. Ce sera une artiste féminine pour le coup, Floral, que je vous propose de découvrir pour cette soirée Rapso. Donc à la MJC des Tilleuls ce samedi à partir de 19h. On termine avec Floral donc, et cette proposition rap de fin de semaine. Tout de bon chez vous, portez-vous très bien. On se retrouve lundi, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Caméléon, où est ta place? Tes pieds dans les pompes de ce type en face. Tu tiens les murs et le temps passe. Tu t'es cru dans un conte mais le rêve trépasse. T'as pris tes jambes à ton cou, tu voulais te mettre bien. T'as trouvé que t'étais fou mais aussi des chemins. T'as vrillé, t'étais sous, t'as trouvé que c'était flou. Puis tu voyais pas bien le sens de ce demain. Demain. Fadé, fadé, taré, paré, carré, marié, pas vrai. Parier, parler, ramer, quitter le barré, s'barricader. Craquer, crier, cramer, parer, les coups qu'on t'a donné. Fatigué, abdiquer, ouvrir l'écran pour terminer la journée, s'évader des pensées. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. J'ai des lettres à écrire, je procrastine car je sais pas mentir. Visualise ce que je devrais pas dire. Pour garder ce que je peux certainement pas. T'avais raison, c'est pas ta place. T'as perdu le compte des questions qui s'amassent. T'as beau te calmer, évacuer la crasse. C'est foutu, t'es l'éponge des espoirs qui ramassent. T'as mis tes mains dans la boue, t'en voulais au matin. T'as crié pour qu'un loup redevienne le tien. T'as libéré ton loup, fait sortir tout ce wou. Puis tu voyais pas bien quoi faire de tes demain. Demain, demain, demain, demain, demain, demain. Fadé, fadé, taré, paré, carré, marié, pas vrai. Parier, parler, ramer, quitter le barré, barricader. Craquer, crier, cramer, parer, les coups qu'on t'a donné. Fatiguer, abdiquer, ouvrir l'écran pour terminer la journée, s'évader des pensées. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher du lest comme la pluie jette la rivière à ma fenêtre. Lâcher,